impossible de ne pas penser à Tintin et au sceptre d'Ottokar. Souvenez-vous, les méchants Bordure voulaient provoquer un putsch en Sildavie et en profiter pour annexer cette charmante royauté située quelque part dans les Carpates. Mais Tintin, heureusement, a éventé le complot et mis fin aux activités criminelles d'un certain Mussler, chef d'une garde d'acier, qui n'est pas sans rappeler les SA d'Adolf Hitler ou les chemises noires de Benito Mussolini. Car l'ouvrage d'Hergé a été écrit avant la Seconde Guerre mondiale. Mais quel rapport avec notre monde contemporain? Eh bien, il existe aujourd'hui au cœur de l'Europe un pays oublié, la Moldavie, une ancienne république soviétique qui est en conflit depuis de longues années avec une partie sécessionniste de son propre État, la Transnistrie. Un conflit qui a même dégénéré en véritable guerre au début des années 1990. Alors, dans cette affaire qui sont les Sildaves et les Bordures, d'une façon un peu simpliste, il est difficile de ne pas associer Sildave et Moldave, tandis que les Bordures pourraient se trouver en Transnistrie, un territoire indépendant de fait, qui est aussi un musée vivant du stalinisme et bénéficie du puissant soutien de Moscou. Il naît jusqu'aux récentes menaces du Kremlin qui nous rappellent Hergé et son idée d'annexion. Le président russe, Dimitri Medvedev, vient en effet de lancer une sévère admonestation aux Moldaves. L'intervention militaire de l'ex-armée rouge en Géorgie doit être comprise comme un avertissement. Restons-en là, au moins provisoirement. Monsieur X se penche sur cette question trop souvent ignorée, mais qui concerne toute l'Union européenne. Depuis l'intégration de la Roumanie, la Moldavie, pays le plus pauvre d'Europe, se trouve aux frontières de l'Union. Et avec elle, c'est un foyer de tensions et de trafics divers qui s'installe durablement dans notre voisinage, car la Transnistrie est aussi devenue un hypermarché mondial clandestin des ventes d'armes, des plus simples aux plus sophistiqués, une vraie poudrière à nos portes. Dans ce monde compliqué, comme dirait le général de Gaulle, la situation politique de la Moldavie, ce petit morceau d'Europe centrale, dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et son passé n'est pas moins complexe. Alors, c'est céder à votre péché mignon, quelques notions d'histoire peut-être? D'accord, mais je ne remonte pas trop loin. Au XIVe siècle, plus précisément, la Moldavie est une puissante principauté à l'est des Carpates. Elle regroupe alors la Moldavie actuelle et la Roumanie. Il faut tout de suite dire que Moldave et Roumain sont des frères jumeaux et parlent la même langue, le roumain. C'est exact. À l'époque, cette principauté est l'objet de nombreuses convoitises de la part de ses voisins, hongrois, polonais, tatars et surtout turcs. Et au XVIe siècle, c'en est fini. La Moldavie est démembrée et pour garder un semblant d'autonomie, elle doit accepter la suzeraineté ottomane. Mais deux siècles plus tard, au XVIIIe donc, une partie de la Moldavie est annexée par l'Empire autrichien, sous le nom de Bukovine, tandis qu'au sud, à la suite des guerres russo-turques, Moscou s'empare du reste de l'ancienne principauté, qui devient la Bessarabie au début du XIXe siècle. Pas très simple, hein? En effet, mais auparavant, et ça a d'importantes conséquences jusqu'à aujourd'hui, le célèbre maréchal russe, Souvorov, a conquis une frange de la Moldavie sur la rive gauche du fleuve Dniestre. Ça, c'est la future Transnistrie. Exactement. Pour les habitants de cette petite région, Souvorov est donc le personnage qui les a soustraits à l'oppression ottomane. Un libérateur et un héros. C'est ça. Oui. Et son culte demeure vivace. Quand les Transnistriens feront sécession avec la Moldavie à la suite de l'effondrement de l'Empire soviétique, ils adopteront une nouvelle monnaie, le souvoriki. Et les russophones de cette petite région donneront souvent l'impression d'être plus russes que les Russes eux-mêmes. Enfin, n'allons pas trop vite. Après la Grande Guerre de 14-18, la Moldavie devient une république indépendante. Toutefois, elle ne tarde pas à s'unir à la Roumanie. C'est donc la création d'une grande Roumanie. Hein. Une entité idéale qui continue à hanter les rêves des nationalistes roumains. En tout cas, cette union a fait au moins un mécontent, Staline. Mais pourquoi l'URSS a dévisé sur ce territoire? Incontestablement. Le petit père des peuples aimerait bien s'emparer de la partie orientale, la Bessarabie. Et c'est dans ce but qu'il se rappelle au bon souvenir des citoyens de la rive gauche du Dniestre. quoi, ces ultra-russes, là. Oui, oui, à leur intention, mais en fait, dans le but d'embarrasser les dirigeants roumains, ils créent la République socialiste soviétique autonome de Moldavie. Une création artificielle, hein, malgré les aspirations russophiles de ses habitants. Absolument, car il suffit de regarder une carte pour comprendre. C'est une mince bande de territoire qui s'étire le long du fleuve sur plusieurs dizaines de kilomètres entre l'Ukraine à l'est et la Moldavie-Bessarabie à l'ouest. En tout cas, pour pérenniser l'existence de cette nouvelle entité administrative, Staline l'adosse à la République soviétique d'Ukraine. Et cette petite région, minuscule région, elle épouse les frontières de la Transnistrie actuelle. Peu ou prou, oui. Et elle a la même capitale, Tiraspol, où sur l'une des places de la cité trône la statue du maréchal Souvorov. Plus tard, avec la signature du pacte germano-soviétique, Staline réalise l'un de ses rêves. Il annexe la Bessarabie qui devient la République socialiste soviétique de Moldavie. Mais retour de bâton après l'invasion de l'URSS et la guerre entre Moscou et Berlin, la Roumanie acquise à l'idéologie nazie prend sa revanche et reconquiert la Bessarabie. La Grande Roumanie est reconstituée. Donc. Mais la parenthèse est relativement brève. Avec l'effondrement du Troisième Reich, l'armée rouge réinvestit les territoires perdus. Une parenthèse avant de poursuivre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Moldavie est devenue un lieu de déportation pour tous les indésirables, juifs et tziganes. Plus de 300 000 personnes. Et ceux qui n'ont pas été envoyés dans les camps d'extermination sont généralement morts de froid ou de maladie, ou ont été abattus par la soldatesque. Oui. Suit donc le partage de l'Europe. Hein. Et la fixation définitive des frontières au traité de Paris en 1947. Et la région, alors, passe sous le joug de Staline. Bien entendu. Ouais. L'ancienne Moldavie, devenue une république socialiste et soviétique, existe à nouveau. Mais les nouveaux maîtres n'ont de cesse, pardon, de ce barbarisme, de déroumaniser le pays, ou de le russifier, comme vous voudrez. C'est-à-dire la langue russe est privilégiée au détriment du roumain. D'autre part, 1 million de Moldaves sont déportés et remplacés presque aussitôt par des colons russes ou ukrainiens. La Moldavie est alors le jardin potager de l'URSS. On y cultive la vigne et le tabac, et bien d'autres productions agricoles. Ouais, le vin moldave est assez réputé. Et il n'y a pas d'industrie ? Si, mais pour l'essentiel, elles sont concentrées à l'est, dans ce qui deviendra la Transnistrie. On en reparlera parce que c'est un point essentiel, en tout cas. Cette politique d'asservissement n'étouffe pas tout à fait les sentiments nationalistes des Moldaves. Et dès que la perestroïka et la glasnost de Gorbatchev le leur permettent, les dirigeants moldaves proclament le retour à la langue nationale. Le roumain, donc à ça, la fin des années 80. En 89, je crois. Ce retour s'accompagne aussi d'un changement d'écriture. Le cyrillique est abandonné au profit de l'alphabet latin. Mais ça n'est pas sans poser quelques problèmes. Oui, parce que les Moldaves russophones ne l'entendent pas de cette oreille. Bah, c'est logique. Et en dehors même des nombreux Russes ou Ukrainiens qui sont installés en Moldavie, il se dresse aussitôt une violente opposition. D'abord celle des Gagaouz. Gagaouz, qui sont-ils ceux-là ? Il s'agit d'une communauté de chrétiens orthodoxes, forte de quelques dizaines de milliers de personnes qui vivent au sud du pays. Des turcophones très russifiés. Ils ne veulent pas abandonner ni leur langue, ni leur écriture. Et ils finiront d'ailleurs par obtenir un statut d'autonomie en 1994. Mais les plus virulents sont ceux que l'on va désormais appeler les Transnistriens. Dès septembre 1990, c'est-à-dire avant même l'éclatement de l'URSS, la petite république socialiste soviétique moldave de Transnistrie proclame son indépendance. Ah, une question, avant de voir la suite. Dans cette bande de terrain, le long du fleuve, et comment se répartissent les populations hein? On estime alors que les russophones, tant russes qu'ukrainiens, sont à peu près 60%. Les autres étant moldaves. Oui, en fait, à peu près ça, oui. Ça fait quand même une forte minorité, hein. Oui, mais vous allez voir, ce sont les russophones qui vont prendre les choses en main et diriger de fait cette petite république qui reste aujourd'hui une sorte de curieuse vitrine de ce qu'était autrefois la Russie soviétique. Et comment les Moldaves réagissent devant cette sécession unilatérale ? Ben, ils sont furieux, d'autant qu'à cette date, la République de Moldavie fait encore partie de l'URSS. Elle ne déclarera son indépendance qu'après le putsch manqué contre Gorbatchev. Donc en août 91. Et vous le savez, c'est cet événement qui scellera réellement la fin de l'URSS. L'effacement de Gorbatchev au profit de son rival Yeltsin. Fin 1991, les Transnistriens franchissent encore une étape supplémentaire. Ils organisent un référendum qui consacre l'indépendance de ce territoire qui appartient pourtant officiellement à la Moldavie. Et c'est toujours le cas, hein, pour tous les États du monde, la Transnistrie est toujours partie intégrante de la Moldavie. C'est juste, son indépendance n'a même pas été reconnue par son unique soutien international, la Russie. Ça, c'est beaucoup plus bizarre, hein. Pas tant que ça. Cette hypothèse d'une éventuelle reconnaissance de la Transnistrie permet à la Russie d'exercer un chantage permanent sur la Moldavie. Enfin, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, cette situation était forcément explosive et devait déboucher un jour ou l'autre sur un conflit armé. Parce que la Moldavie ne pouvait pas accepter plus longtemps la sécession de l'une de ses provinces. Mais c'était ignoré un peu vite que l'ours russe, même blessé, était encore capable d'asséner de redoutables coups de patte. Monsieur X l'a dit, ce qui a d'abord mis le feu aux poudres, c'est la décision des dirigeants moldaves de retourner à la langue roumaine. Le journaliste et réalisateur Xavier Deleu a publié un ouvrage rare sur la question « Transnistrie, la poudrière de l'Europe ». Je lui emprunte ces quelques lignes. Le spectre de l'occupation roumaine fasciste, entretenu par l'idéologie communiste et par le souvenir vivace de la guerre, renaissait dans les consciences et dans la presse. Et les motifs d'inquiétude dans cette optique se multipliaient. Déjà, le 31 août 1989, par amendement de la Constitution, la langue roumaine et son écriture latine avaient recouvré le statut de langue officielle qu'elles avaient perdu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le régime soviétique imposa une politique de russification et l'écriture cyrillique pour le roumain. Cette loi sur la langue était la première victoire d'un mouvement populaire pour la perestroïka, apparu à la fin des années 80 et devenu Front populaire, parti politique dont les membres les plus radicaux appelèrent, après que le génie des Carpates Nicolas Ceausescu eut été chassé du pouvoir, à la réunification avec la Roumanie. La population slave attachée à la préservation de son rôle manifestait à travers le pays à l'appel de l'association Jedinstvo pour la défense de l'héritage de l'Union soviétique et la préservation des valeurs socialistes. Avant d'évoquer cette guerre qui est pratiquement passée inaperçue à l'ouest du continent, quelques données chiffrées pour mieux comprendre les enjeux et les forces des belligérants. La Moldavie est alors une nation d'un peu plus de 4 millions d'habitants, dont les 8 dixièmes sont roumanophones. Cette population est répartie sur 33 000 km². 15 fois moins que la France. Et son armée ne compte que 8 000 hommes. Quant à la Transnistrie, qui compte tout juste 500 000 habitants, son territoire est un ruban de 200 km de long, mais dont la largeur à certains endroits est tout au plus de quelques kilomètres. Par contre, son armée est forte de presque 20 000 soldats. Plus nombreuse donc que la troupe moldave. Hein. Mais il est vrai qu'elle a accueilli des renforts slaves assez importants. Et d'abord des Cosaques. Des Cosaques, que viennent-ils faire là? Ils ont été attirés par l'odeur de la guerre et la défense de la slavitude en danger. Slavitude, comme au temps des tsars alors. Exactement. Certains sont même arrivés vêtus de leur costume traditionnel, avec leur bonnet de fourrure et leur vieille redingote barrée de cartouchières sur la poitrine. Et leur sabre, bien évidemment. Même si, dans la guerre qui s'annonce, ils n'auront guère la possibilité de s'en servir. Certains sont même venus de Sibérie pour venir au secours de ce territoire menacé par les bandits roumains, comme ils les appellent. Mais en réalité, ces Cosaques-là, ce sont des mercenaires, non? Certes, mais des mercenaires qui veulent combattre pour la gloire et l'honneur, et non pas pour quelques misérables roubles, ce qui leur confère une grande popularité en Transnistrie. Curieux retour de l'histoire, hein, quand même. Je suis d'accord avec vous, mais leur participation à la guerre sera loin d'être folklorique. Alors justement, cette guerre... Ça commence par des incidents sur un pont à Benderi. C'est un pont sur le fleuve, là. Oui, le Niestre, c'est la ligne Maginot des Transnistriens. Donc, en décembre 1991, on se bagarre de part et d'autre. Mais ça ne va pas plus loin, pour l'instant en tout cas. Car de chaque côté, les positions sont intransigeantes. Mais que veulent réellement les russophones de Transnistrie, là, la séparation pure et simple avec la Moldavie? Pas forcément. Ils se contenteraient d'une autonomie très large dans un cadre fédéral, à condition que la Moldavie ne rejoigne pas la Roumanie. Car si cette union devait se faire, les Transnistriens choisiraient irrémédiablement l'indépendance. Mais à Chișinău, le président Miseras Negur n'est pas prêt à céder. Chișinău, rappelons-le, quoi, c'est la capitale de la Moldavie. L'ancienne Kishinev, des temps soviétiques. Oui, donc Snegur s'entête. Tout au plus est-il prêt à concéder aux Transnistriens la création d'une zone économique libre. Oui, mais pour eux, c'est insuffisant. Et la situation se tend, dès le début du mois de mars 1992. Et déjà, ces Cosaques, qui sont un bon millier, accourent en Transnistrie avec la volonté d'en découdre le plus tôt possible. C'est ainsi qu'en compagnie de quelques paramilitaires, ils passent à l'action en attaquant trois villages moldaves dont ils chassent les policiers, coupables d'obéir au pouvoir central. Conséquence immédiate de ces violents incidents, par milliers, la population moldave fuit vers l'Ukraine voisine. Ce qui ne manque pas d'inquiéter les autorités de ce pays qui vont, bientôt, mettre en place une zone tampon à la frontière. Pour calmer le jeu. Et empêcher en principe l'infiltration d'armes et de combattants vers la Transnistrie. Mais ça n'empêche pas la situation de se dégrader encore un peu plus, malgré l'appel au cessez-le-feu lancé par le président moldave. Il n'est pas entendu. Non, non. On peut douter de sa sincérité, car en même temps, il donne l'ordre à ses forces spéciales d'éliminer discrètement les opposants les plus résolus. Parallèlement, Transnistrie en mobilise. Le président Igor Smirnov signe un décret selon lequel tous les hommes de moins de 45 ans doivent rejoindre les forces armées. Smirnov, avez-vous dit, hein? C'est la première fois que vous me parlez de lui, là. Un mot, peut-être. Rapidement, car j'aurai souvent l'occasion d'évoquer ce personnage qui dirige toujours la Transnistrie d'une main de fer. Alors, pour l'instant, sachez simplement que c'est un apparatchik typique de l'époque soviétique. Il est venu de sa lointaine Sibérie pour diriger une usine d'électricité en Transnistrie. Et n'en est jamais reparti. Et il est donc devenu le numéro un de ce territoire. J'ajoute, mais ça ne vous surprendra pas, que Smirnov aurait fricoté avec le KGB. Ouais, ouais. Mais quand vous dites qu'il est devenu le président, a-t-il été élu? Oui. D'abord maire de Tiraspol. Il a accédé à la présidence du Soviet suprême de la Moldavie soviétique avant d'être élu président de la Transnistrie. Il a donc une légitimité. Oui, enfin, alors poursuivons. Comme le calme tarde à revenir, les autorités moldaves décrètent l'état d'urgence, alors que les Transnistriens commencent à détruire un à un les ouvrages d'art qui permettent de franchir le Dniestre. C'est une façon radicale et symbolique de couper les ponts avec la Moldavie. Hein. Et cette fois, c'est véritablement la guerre, avec des combats parfois très violents. Mais au début avril, la donne a déjà changé. Mais pourquoi alors? Igor Smirnov, invoquant le respect des minorités, a lancé un SOS à la Russie. Un appel à une intervention militaire. Hein. Mais officiellement, on ne parlera jamais d'intervention, mais de médiation. En réalité, tout ça me paraît cousu de fil blanc. Ouais, mais il faut m'expliquer, là. Y a déjà un moment que Moscou avait envie de se mêler de l'affaire. Et Smirnov, qui n'avait rien à refuser au Kremlin, a simplement lancé cet appel au secours quand on le lui a demandé. Mais les Russes pouvaient-ils intervenir efficacement? Rien de plus facile. Ils disposaient sur place d'une force militaire considérable. La 14e armée, et là il faut que je vous explique, cette unité forte de plusieurs milliers d'hommes très bien équipés avait été positionnée en Transnistrie à l'époque de la guerre froide. Il s'agissait alors de faire pièce à d'éventuelles attaques des forces de l'OTAN. Et en cas de conflit Est-Ouest, la mission de cette 14e armée consistait à atteindre Istanbul en seulement 7 jours. Et comment alors, revenons à nos événements là, et comment va intervenir cette force? Une observation d'abord. À Moscou, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Etsine, en particulier, n'a guère envie de se lancer dans une aventure militaire. Mais la pagaille qui règne alors au Kremlin et dans toute la Russie permet aux militaires de s'affranchir des ordres de Moscou. Ouais, d'agir à leur guise. C'est à peu près ça, oui. Et parmi les officiers russes présents en Transnistrie, se trouvent beaucoup de nationalistes qui brûlent l'envie de donner un coup de main à Smirnov. La solidarité russe. Oui, c'est pourquoi, même si en principe l'armée n'est là que pour s'interposer, sans mandat international, il faut le remarquer, elle épouse à l'évidence les aspirations du camp sécessionniste. Et donc russophone. Hein. Bon, alors je continue. On va bientôt avoir la preuve que Moscou a clairement choisi. Jusque-là, on a assisté à une guerre rampante, faite d'accrochages sporadiques, sans bataille front contre front. Mais au mois de juin 92, ça change. Les forces moldaves lancent un assaut contre la ville de Benderi, Tigina en russe. Cette cité, située sur la rive droite du Dniestre, a été conquise par les indépendantistes de Transnistrie. c'est la troisième ville moldave et aussi un important nœud ferroviaire. Une position stratégique. Et pour Chinidzo, il est capitable d'en reprendre le contrôle. Et effectivement, dans un premier temps, les forces moldaves triomphent. Mais leur victoire est de courte durée. Une semaine plus tard, les sécessionnistes passent à l'offensive. Mais ils ne sont pas seuls. Des éléments de la 14e armée russe viennent en appui. La ville est reprise, mais la bataille très dure a fait des centaines de victimes et des milliers de blessés. Mais l'armée moldave est quand même défaite. Et humiliée. C'est alors qu'un homme providentiel arrive en Transnistrie. Un homme bien décidé à faire la paix. Appui de l'armée russe aux Transnistriens, a dit M. X en évoquant la bataille de Benderi. Un appui discret, observe l'envoyé spécial du Monde, Matthias Lufkens, dans son article du 2 juillet 1992, je le cite. Officiellement, la 14e armée russe, basée à Tiraspol, sur la rive orientale du Dniestre, et qui a une caserne à Benderi, respecte une stricte neutralité dans la lutte qui oppose les Slaves aux Roumains. Mais le commandement de la division russe semble adopter la politique de l'autruche, alors que certains de ses hommes combattent, soit individuellement, soit de façon collective, aux côtés des séparatistes. Le fait qu'un bataillon de sapeurs soit passé du côté des forces de la République séparatiste n'inquiète pas les responsables militaires. Très peu de nos hommes ont changé d'allégeance. Nous contrôlons nos troupes, assure le colonel Alexandre Véranov, porte-parole de la 14e armée. Selon ses indications, les soldats de ce bataillon ont été limogés. L'unité ayant été rayée des listes militaires, ils ne seront donc pas punis. Mais, plus loin, le journaliste note, faute de pouvoir intervenir massivement, les soldats de l'armée russe soutiennent les séparatistes en sous-main. Nous recevons des chars et des armes de l'armée, reconnaît en privé un responsable du service de presse du gouvernement de la République du Dniestre. Les troupes séparatistes semblent également avoir libre accès aux casernes de la 14e armée, où ils empruntent, entre guillemets, des kalachnikovs, des munitions et des véhicules blindés. « Nous ne leur donnons rien », explique le colonel Alexandre Béranov. « Ils se servent, tout simplement. » Alors cet homme providentiel? C'est le général russe Alexandre Liebed, une forte personnalité et un militaire très populaire en Russie, où il est considéré comme un héros après sa participation à la guerre d'Afghanistan à la tête des parachutistes de l'armée rouge. Ouais. Et que vient-il faire là, en Transnistrie? Il est nommé à la tête de la 14e armée au moment où la guerre fait rage à Benderi. Et lui, alors, dans quel état d'esprit arrive-t-il? Liebed, qui, il faut le rappeler, sera plus tard l'artisan de la paix après la première guerre de Tchétchénie, est bien décidé à tout mettre en œuvre pour que les armes se taisent. Ah ben, pour un militaire, c'est pas mal. Mais Liebed est un général un peu atypique et déteste pratiquer la langue de bois. Ainsi pourra-t-il dire, bien sûr que la Transnistrie est une terre russe puisqu'elle est peuplée par les mêmes imbéciles que la Russie. Ce qui n'a guère dû faire plaisir aux dirigeants russophones de Transnistrie. Mais Liebed s'en moque bien. Et d'ailleurs, il n'a guère de sympathie pour ces nationalistes fort en gueule qui, va bientôt le découvrir, sont des corrompus qui ont mis la Transnistrie en coupe réglée. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Bien sûr. Alors l'urgence pour lui, c'est donc le retour à la paix. Et il s'attelle tout de suite à cette tâche délicate tant les esprits sont échauffés. Et contre toute attente, il obtient un premier résultat encourageant dès le mois de juillet 1992. Après un conflit qui a quand même provoqué la mort d'un millier de personnes et le déplacement de milliers d'autres, Liebed réunit des délégués moldaves et russes. Mais pas les Transnistriens eux-mêmes. Non, parce qu'ils considèrent que les vrais maîtres du jeu ne se trouvent pas à Tiraspol, mais à Moscou, et à la rigueur à Chisinau. Ouais. Et il va obtenir un accord? Tout à fait. Un accord qu'il faut le dire tout de suite, va plutôt dans le sens des revendications des dirigeants de Tiraspol. Mais il ne pouvait guère en être autrement. D'abord, parce que pour Liebed, il était difficile de trahir les siens. Et ensuite, parce que la Moldavie, écrasée militairement et commercialement dépendante de la Russie, ne pouvait guère être trop exigeante. Alors, les termes de cet accord de paix, là? Il est prévu un statut particulier pour la Transnistrie, qui reste malgré tout intégrée à l'entité moldave. Mais en cas de réunification, Moldavie-Roumanie, les Transnistriens auront la possibilité de se prononcer dans les urnes sur leur destin. Un scrutin d'autodétermination. En outre, et c'est l'essentiel pour Tiraspol, l'accord stipule le maintien d'une force d'interposition composée de militaires russes, moldaves et transnistriens. En clair, ça veut dire que les russophones pourront continuer à vivre sous la protection du bouclier russe. La 14e armée demeure sur place. Et avec elle, bien sûr, le général Yebed, nouveau héros des Transnistriens à qui il a apporté la paix. Et le maintien du statu quo. C'est évident. Au reste, même Yebed sait que le départ de la 14e armée, s'il doit se produire un jour, sera très difficile, car beaucoup de ses cadres et de ses hommes sont maintenant originaires de la région. En tout cas, assuré du non-retrait des troupes russes, les dirigeants de Tiraspol, Smirnov en tête, font en sorte de consolider leurs acquis et de faire de la petite république un État à part entière. Un État à part entière, c'est-à-dire C'est-à-dire disposant de toutes les prérogatives dévolues à un véritable État indépendant, un drapeau, une langue officielle reconnue, le russe, un hymne national, une capitale, Tiraspol, et nous en avons déjà parlé, une monnaie. Le Souvoriki. Et une armée. Bien sûr. Une troupe qui comptera jusqu'à 17 000 hommes appelés compris. Ça me semble énorme pour un pays d'un peu plus de 500 000 habitants. Et le système politique, alors? En principe, la République moldave de Transnistrie est une démocratie. Ouais, mais en principe seulement. Oui, le système est étroitement contrôlé par une police qui s'inspire des meilleures méthodes du KGB. Et d'ailleurs, on y trouve des hommes qui ont appartenu à la centrale soviétique. Quant au président Igor Smirnov, qui s'est autoproclamé père de l'indépendance, il est régulièrement réélu avec des scores, là aussi, soviétiques. C'est bien le moins, non? D'autant que le régime n'a rien renié de ses racines staliniennes. Les élections sont donc loin d'être sincères. C'est évident. Il faudrait encore que je vous parle de la corruption endémique et du népotisme qui y sévit. Mais si vous le voulez bien, nous en parlons dans un prochain entretien, car j'ai déjà été long et je voudrais évoquer les années qui ont suivi l'accord de paix arraché par le général Yebed. Mais je vous le promets, je n'éluderai pas le sujet, car le pays tout entier dissimule un terrible et angoissant secret. Je veux bien l'attendre, mais enfin, vous pouvez quand même esquisser ce thème. Hein. Bon, alors, sachez simplement que la Transnistrie regorge de matériel militaire, des armes de toute espèce et de tout calibre, un gigantesque arsenal dans lequel puisent les marchands de mort et qu'on retrouve un peu partout dans le monde, en Afghanistan par exemple, mais surtout en Afrique. J'ajoute, et j'en aurai momentanément fini avec ce sujet, que certaines de ces armes stockées aux frontières de l'Union européenne sont particulièrement inquiétantes. Bon. Ben, je saurais patienter au moins jusqu'à la semaine prochaine. Mm-hmm. Alors, que se passe-t-il après cet accord de 1992? La Moldavie a donc dû passer sous les fourches caudines de Moscou. Mais elle a du mal à se résigner. Oui, et à digérer cet accord. Oui, mais elle ne peut pas rechigner trop longtemps. Car, je vous l'ai dit, son économie est étroitement dépendante de la Russie. Son économie et aussi ses ressources énergétiques. Donc, bon gré mal gré, le président moldave, Mircea Snegur, doit faire ami-ami avec Moscou. Et en 1994, pour être agréable aux Russes, il fait adopter une nouvelle constitution qui reprend les accords signés avec Yebed et reconnaît une large autonomie à la Transnistrie. Mais toujours pas l'indépendance. Non, parce que reconnaître cette indépendance, c'est aussi abandonner pour toujours les richesses industrielles de la rive gauche du Dniestr. Or, la Moldavie, essentiellement agricole, est pratiquement dépourvue d'usines. Parallèlement, Chisinau essaie d'obtenir au moins un retrait partiel des milliers de soldats russes stationnés en Transnistrie. Réponse de Moscou? Moscou promet, mais tergiverse. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais les Russes sont aussi soumis à la pression des Transnistriens qui n'entendent pas voir partir la 14e armée. Aussi, pour prévenir toute tentation de retrait de la part des Russes, Smirnov organise en mars 1995 un référendum sur cette question. Oui, j'imagine, enfin sans surprise, que les Transnistriens se prononcent à une écrasante majorité pour le maintien de l'armée russe. Naturellement, car c'est leur seule garantie de ne pas retourner un jour dans le giron moldave. En même temps, et ça mérite d'être souligné, les Moldaves votent eux aussi sur la délicate question du rattachement éventuel à la Roumanie. Résultat? La population moldave rejette cette éventualité, ce qui, entre parenthèses, montre que cette question avait été montée artificiellement, à la fois par les dirigeants roumains et moldaves, pour faire peur aux russophones. Mais globalement, la situation est quand même plus saine, non? Pas vraiment. Je dirais au contraire qu'elle est bloquée. Il y a même des signes inquiétants, des disparitions inexpliquées en Transnistrie. Expliquer ça ? 250 personnes ont ainsi mystérieusement disparu. 250 ? Et de qui s'agissait-il ? De Moldaves, qui refusaient de faire leur service militaire dans l'armée des Transnistries, et qui ont été vraisemblablement liquidés. Vous voyez donc que les tensions persistent. C'est d'ailleurs aussi l'opinion du général Yebed, qui dit crûment au Kremlin, on pourrait bientôt se trouver devant une nouvelle Tchétchénie. Mais ni Moscou, ni Tiraspol n'apprécient ces propos. Et en 1995, le fougueux général est prié de déguerpir. Mais pour le Kremlin, il y a longtemps qu'il n'était plus l'homme de la situation. Pourquoi ? Pas assez docile, pas assez compréhensif vis-à-vis des dirigeants corrompus de Tiraspol. Mais j'en termine. Je vous le laissais entendre, la réalité est que cette affaire va beaucoup plus loin que la stricte question transnistrienne. La Russie d'Eltsine, comme celle d'aujourd'hui de Poutine et de Medvedev, n'a pas du tout envie de quitter la Transnistrie qui est une base militaire avancée, projetée à 600 kilomètres de ses frontières, au-delà de cette Ukraine qui rêve d'intégrer l'Union européenne et même l'OTAN. Ah oui, donc c'est une sorte de bastion russe, quoi. Un peu à l'image de Kaliningrad, l'ancienne Königsberg, qui demeure une enclave de Moscou entre la Pologne et la Lituanie. Au sein de l'Union européenne, et sans continuité territoriale avec la Russie. Toutefois, le cas de la Transnistrie est un peu différent, car en cas de conflit, la Russie pourrait, à partir de cette base, intervenir dans les Balkans ou même en Méditerranée. Ça explique pourquoi le destin de la petite République a été confié à un Russe. Ouais, Smirnov. Et le jour où celui-ci ne fera plus l'affaire ou sera trop discrédité, on le remplacera par un autre homme. Un féal tout dévoué aux intérêts de la Sainte-Russie. Mais nous verrons cela la semaine prochaine, car l'existence de la Transnistrie offre décidément beaucoup de possibilités. La Transnistrie, musée vivant de l'URSS. C'est l'impression qu'a laissé cette petite république de fait à Stéphane Kovacs, envoyé spécial du Figaro en mars 2001. Extrait de son reportage. Une république soviétique en miniature, faucilles, marteaux, étoiles rouges et slogans grandiloquents sur les monuments, tout est resté intact dans cette étroite bande de territoire longeant le Dniestre. Un drapeau rouge et vert frappé des armes de l'ancienne république soviétique de Moldavie flotte sur les baraquements gris de la frontière transnistrienne. Des militaires aux uniformes dépareillés, qui comprennent le moldave mais se doivent de répondre en russe, inspectent passeports et véhicules durant des heures. Pour une visite de plus de 3 heures, le ticket d'entrée du musée, tout ça entre guillemets, se monte à $6. À Tiraspol, la capitale de la République séparatiste, les jeunes mariés se font photographier devant un vieux tank de l'armée rouge. Une immense statue de Lénine en granit rosé trône devant le Soviet suprême. Au 3e étage du grand bâtiment de briques rouges, le clone de Vladimir Ilitch, Igor Smirnov. Même crâne chauve, même sourcils broussailleux et même petit bouc blanc. « Nous ne faisons pas la guerre à l'histoire », explique le président russophone de cet état fantoche. À consulter sur Internet le site diploweb.com qui propose une série d'articles sur la Transnistrie, à lire aussi Victor Vavitch de Boris Jitkov chez Kalman Levy, un roman foisonnant sur la révolution russe de 1905, écrit dans les années 30, détruit par la censure et dont, heureusement, quelques exemplaires ont été miraculeusement sauvés.